Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Le groupe se trouve actuellement en plein milieu du nid de la nuée du phénix. Face à vous, Baptiste, le déserteur helvétique, suréquipé, vous regarde en attendant vous voir enfin quitter les lieux après que la conversation était enfin terminée. Son regard mauvais, ses yeux creusés, son visage balafré de toutes parts, sa grande barbe noire, légèrement grisonnante, se perdant dans son armure, démontrant et contrastant totalement avec les standards helvétiques en termes de soins et de... Je sais plus comment on appelle ce terme, j'ai perdu le mot. Le fait de s'entretenir, quoi, de prendre soin de soi, qui n'a rien à envier avec hospitalier, par exemple. Hygiène. Ouais, c'est ça, hygiène, mais plus... Entretien Ouais, entretien, j'ai plus le mot exact, mais c'est pas très grave. Maintenance Ouais, maintenance, mais plus d'un côté humain et moins un côté... Ok. C'est moi, ça, informatique. Excusez-moi, ouais, voilà, des un petit trop de ma part. Qu'est-ce que tu fais, Flux? Toi qui remarques ce message en morse émanant de l'arrière de la pièce, de l'une des geôles. Avant d'agir et de sûrement condamner mes amis... J'ai une question, je me permets de ne pas répondre directement et puis toi essayer on de peut voir faire si... un point strat hein, si vous voulez. Ouais, ouais. Si je peux éviter de tous les tuer en moins de 20 minutes, si on peut au moins essayer de tenir les 20 minutes, ça sera déjà ça de prix. C'est juste une question, on est d'accord que je peux contrôler toutes les lumières qui sont sur ma tenue, etc. Oui. Est-ce que ça serait possible d'en abuser au point qu'elle devienne vraiment genre aveuglante, dérangeante pour quelqu'un qui est vraiment proche? Totalement, totalement. Tu peux totalement pousser et booster totalement cette dernière, faire péter les diodes si tu veux et émettre une espèce de flash total. Ok, maintenant, deuxième question, mais c'est pour recontextualiser. De souvenir, il avait baissé son arme. Oui. Oui, il est pas en train de croquer avec. Hein. Il la tient toujours. Comment il la tient? Genre, est-ce qu'il a le doigt sur la gâchette hein, comment il est vis-à-vis de son arme actuellement Non, là, il l'a laissé tomber, étant donné que la discussion a quand même tendu. Enfin, c'est détendu. Il l'a laissé tomber, pointé vers le bas. Il la tient simplement du gant. Mais en effet, le doigt, il a juste à le lever pour atteindre la gâchette. Il n'a pas le doigt dessus, parce que ce serait extrêmement dangereux, quoi. Mais d'avoir vraiment le doigt sur la gâchette en permanence. Mais voilà, il l'a juste à côté. Et il l'a à côté, mais c'est-à-dire qu'avec un effet de surprise, ça pourrait passer. Avec un effet de surprise, il y a peut-être quelque chose à faire, en effet. Eh bien, c'est la réponse, du coup, à ma question. Parce que là, de souvenir, on était au moment où le dialogue allait se terminer, on était un peu en mode « ok, ouais, on va c'est partir ». Ouais, il s'attend à ce que vous sortiez. Je veux faire très rapidement dans ta tête, mais à cette échelle-là, tout se passe en seulement quelques secondes. Je veux faire tomber quelque chose de ma tenue. Normalement, il y a plein de trucs sur ma tenue, donc je me dis qu'il y a bien un truc qui doit se dégoupiller, etc. Ouais. N'importe quoi, juste pour que ça glisse, et je veux que ça glisse vers la porte où il y a ce que okay. je pense être Mirage. Ok. Tu déboulonnes un truc discrètement, ça commence à rouler sur le sol. Il y prête même pas attention. Il reste les yeux rivés sur le groupe, mais il prête même pas attention à ça. Je fais du coup un mouvement pour aller, tu sais, juste me retourner et commencer à aller vers l'objet pour me rapprocher. L'espace d'une seconde, il baisse les yeux au moment dans ta direction, mais presque comme un clignement, puis il les replace sur le reste du groupe, s'attend à aller voir comment ça sortir. Quand je, du coup, veux avancer vers l'objet, je veux du coup me rapprocher de lui et assez proche pour pouvoir m'illuminer, l'aveugler et en profiter pour tirer l'arme. Allez, je compte sur vous, les amis. On va faire un test. Les autres, vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe, puisque Flux est la seule personne ici à avoir compris que Mirage se trouvait probablement bel et bien là. En tout cas, que quelqu'un, et très probablement un chroniqueur, vous envoie un message de SOS. Sachant que je veux signaler après vocalement. En fait, au moment où je fais le flash, je veux leur dire Mirage enfermé. Voilà, je veux les tenir au courant, mais je le fais pas avant pour des raisons évidentes, de, bah, sinon l'effet de surprise. Oui, évidemment. Évidemment. Tu vas faire un test de artefact, intellect, ingénieur. Ok, 4 réussites, 2 déclencheurs. Ok. T'arrives à son niveau. Tu commences à te pencher d'un seul coup. Vous voyez un flash totalement illuminer la zone. Vous êtes totalement aveuglé. Là, c'est le moment où je hurle du coup. Mirage est enfermé et je vais tirer l'arme. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Ça. Ouais, j'avoue. Hein Là, bah, je pense qu'on est un peu plus aveuglé, donc là, il n'y a pas grand-chose. Et dans ce flash, vous commencez à entendre les bruits de pas rugissants de Baptiste en train de charger. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je fais des grands mouvements de bras, j'essaie de l'avance vers lui, je sais pas. Je me couche au sol, mais le long de la paroi, c'est... Moi, je me mets au sol, mais genre le plus proche du mur, en fait. Toi, tu te colles le plus proche du mur? Ouais, et je me baisse, en fait. Ok, d'accord, très bien. De mon côté, je vais enflammer mon espadon. Comme j'en ai le pouvoir incroyable, et je vais simplement en fait me mettre en position de combat avec l'espadon droit devant moi pour être prêt à le, parce que vu que je l'entends courir, être prêt à le lui foncer dedans aussi dès que je vais, même si je ne vois rien. Ok, très bien. J'essaie d'attraper Baptiste, moi, au son de le coup. Il y a plus de son. Je vais me chercher une feuille de papier pour compter les points de vie. Je reviens. Ok. Ah. Je me cache, moi j'ai dit, je ne bouge plus, je me recroqueville dans un trou. Je suis un coin. Reste couché le temps que Jacquard fasse tomber les bourgeons et que tu refasses la même chose que dans la première acte. Ah oui. Sauf que c'est parce que tout le monde te voit et tu pourras pas engueuler Jacquard. C'est trop marrant ce jeu de rôle dont la finalité c'est Toric doit prendre de la drogue. Pour devenir un super Saiyan. Ok, très bien. Sincèrement désolé des conséquences de mon acte. Voilà, je le dis. Jacquard, toi, tu m'as dit quoi? Je fonce vers Baptiste, j'essaie de l'attraper malgré le. Tu lui fonces dessus. À ce moment-là, vous entendez le bruit d'une première salve partir dans votre direction et tire totalement à l'aveugle. Toi, Flux, qu'est-ce que tu fais? T'es au sol en dessous, tu viens de t'illuminer. Moi, là, mon but, c'est de lui prendre l'arme des mains. Hein. C'est parce que en fait l'idée c'est que tant qu'il est aveuglé, parce que ça n'a pas duré infiniment, c'est de jouer là-dessus pour le oh mon dieu, c'est compliqué, très bien. Pour le décourager, enfin pour le désarmer. Alors Flux et Jacquard, vous allez me faire des tests de body brawl. Flux, de ton côté tu as 4D et Jacquard de ton côté tu as 6D. Sachant que... Je vais opposer à une défense, à sa défense. Sachant que je vais rajouter un ego. Ok. Voilà. Ce qui fait, il me reste 3. Je peux déduire immédiatement. Voilà. Donc... Oh. On est d'accord qu'il y a, sur un dé, il y a Il n'y a qu'une réussite et un déclencheur. Il n'y a pas une réussite, deux réussites et un déclencheur. Il y a deux réussites et un déclencheur. C'est ça. C'est 5 réussites et 6 déclencheurs. Ok, j'ai 2 réussites et 3... Alors, en réalité, comment on compte, c'est ce que tu as des D6 normaux, c'est ça? Oui, oui. Alors, le 1, c'est un échec critique. Mais oui, j'ai 3 d'échecs critiques et 2 réussites. Ok, 2 réussites. Non. Réussite, c'est 4, 5 ou 6. C'est 2-4. Parce que des fois on peut confondre, surtout si vous avez fait des sessions de Shadowrun récemment. Shadowrun c'est exactement le même système, mais c'est 5 et 6. Si jamais j'ai fait 5 réussites, dont 2 déclencheurs sur mes 5 dés, okay. Est-ce que je peux sauver la négociation. T'inquiète. Car tu commences à te ruer sur lui. Non. Tu tentes de te jeter à son niveau, tu vois que t'arrives à le toucher, à l'attraper. Non. T'as les oreilles qui commencent à siffler. Dû au bruit des tirs, malheureusement, il se débat avec une hargne absolue et tu te prends un énorme coup de coude au niveau du visage. Ça touche. Est-ce que je vais mourir sur un coup de coude? En fait, tu t'enfonces le nez dans le cerveau et tu meurs. Ça peut arriver, hein. Déjà 8 blessures sur 12, hein. Ouais, mais là tu vas perdre un point d'ego parce que c'est une arme de un coup de corps à corps. Les coups au corps à corps, il faut perdre des points d'ego. Parce qu'ils tuent pas, mais ils vous font vous écrouler dans le coin. Tu vois qu'il donne une espèce de gros coup de coude. De ton côté, du coup, Efflux, t'as fait 5 réussites dans 2 déclencheurs. Oui. Ok. T'arrives à te jeter sur son arme. Et tu vas, tu arrives pas à lui attraper, mais t'arrives à le gêner à un peu la maintenir en l'air vu qu'il vient déjà donner un coup. Il suffit que tu maintiennes son bras. Tu sens qu'il est, il est doté d'une force assez, assez vénère. Mais ça va faire l'affaire en tout cas moi pour une action. C'est parfait. Si mes amis ne meurent pas. Propulsé dans sa charge, donc il faut imaginer tout ça tout en mouvement. Il arrive au niveau de Mokosh. Mokosh, tu vas me faire une défense active. Tu vas me faire... alors on est dans un cas très spécifique et très rare. On va avoir une défense au corps à corps contre une attaque à distance, puisque vous êtes en contact. Tu vas me faire une défense active. Ça marche, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est body melee, tout simplement. Donc tu as domaine, 3, 7 dés. Ok. C'est ton domaine, ça. Eh bien, c'est 4 réussites et c'est tout. Ok. 4 réussites, c'est déjà pas mal. Je vais lui donner, je vais lui accorder un malus étant donné que vous êtes au corps à corps et un autre malus étant donné que Efflux est en train de le gêner. Ce qui fait que j'en ai plus que 6 dés à jeter. 3 réussites, c'est pas passé loin. 3 réussites, il commence à canarder. Il se rappelle à peu près où vous étiez, mais tu vois, il tire, ça, en fait, ça touche ça part totalement au plafond. Heureusement pour toi, parce que... Ouais. Ça faisait mal. T'entends le bruit des impacts, tu sens la poussière au niveau du plafond qui tombe dans les cheveux. Enfin, ce qu'il en reste. À ce moment-là, vous entendez le bruit d'un coup de pistolet porté depuis l'arrière de la pièce. Pour rappel, il n'était pas tout seul. Il y avait avec lui Excel, le sniper. Alors qu'il ne tire pas avec son fusil de sniper, mais avec un pistolet. Et qui va également avoir un malus de 2D. Malheureusement pour vous, c'est quelqu'un qui est extrêmement agile et qui est habitué à porter des coups à distance. Il est aveuglé lui aussi, non? Il est aveuglé aussi, mais malgré ça, il est très très... Même aveugle, il arrive à... Ouais. C'est un gars qui a une formation de sniper. Hein. Moi, je suis allongé par terre contre un mur. Je préfère le dire. Slash R 1D6. 1, Toric, 2, Mokosh, 3, Flux, 4, Jacquard, 5, Lilith, 6, il tire sur son pote. 6. Allez, un 6. 6. Oui. Oh merde. La balle part totalement à l'aveugle. Quel sniper. Formation de sniper. Totalement aveuglé, il est capable d'instantanément calibrer son pistolet pile poil à votre hauteur. Malheureusement, dans la cohue, Jacquard l'a légèrement fait pivoter. Il se trouve pas du tout sur la trajectoire où il était il y a 2 secondes. Et la balle part. Vous, à ce moment-là, vous n'avez pas du tout conscience de où est-ce qu'elle a touché. Alors, il a quand même une sacrée armure. Lui n'a pas fait de déclencheur, donc il n'y a pas de bonus aux dégâts, mais ça fait quand même 9 dégâts, moins 2 d'armure. Il prend 7 points de vie d'un seul coup. Pas mal, quand même. Visiblement, la balle pénètre une partie un peu moins protégée au niveau du col. Ça ralentit la vitesse, mais malgré tout, ça se plante dans la chair. Bon, vous n'avez pas trop conscience d'où. Flux et Jacquard, alors surtout toi, Jacquard, vous sentez du sang vous asperger. Toi, Flux, on a peut-être un peu moins conscience. D'ailleurs, Flux, toi, t'es peut-être la personne la plus apte à te repérer dans toute cette situation. Vu que t'as tes lunettes, j'imagine quand même que le truc a été un minimum pensé pour pouvoir. Oui. Le but est, c'est que ouais, je pense que ma tenue a quand même été pensée pour que je puisse aveugler sans m'aveugler. Je pense il y a ça, ça, je ça, ça a été conçu que oui aussi. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Alors, si jamais je peux, parce que comme ouais, moi mon idée va être simple. Ça marche, je te laisse l'initiative. Je reprends mon rôle de chroniqueur. De toute façon, globalement, là, il n'y a pas d'initiative, tout le monde agit en même temps. Okay. Hein, là. Sauf toi, du coup. L'idée, c'est juste de garder. Essayer de garder l'arme en l'air, et si je peux faire un deuxième truc en même temps, c'est juste activer mon vocodeur pour faire une grosse salve déjà, pour continuer à les déstabiliser. Ouais, totalement. Et... Alors, tu vas me faire un premier test de. Un premier test de lutte que je vais opposer un test de lutte de son côté également. Ok. La compensation du fait de faire deux actions, c'est que si jamais je te bats au test de lutte, tu vas prendre des dégâts. Ok. Parce que tu vas te prendre un coup, c'est comme ça qu'il va te dégager. Oh non. Oh non, réagis pas comme ça. J'ai fait combien? J'ai fait 5 réussites, dont 2 déclenches. Oh bah c'est mort. C'est bon, je peux pas le battre, je suis à 4. Ok, je lance quand même les dés ou... Ouais, mais surtout, t'as plus beaucoup de points d'écho. Ah oui, c'est pour ça, je peux pas booster, donc c'est-à-dire, c'est pour ça, quoi qu'il arrive, j'ai perdu la lutte. Non mais surtout coup... que t'as perdu la lutte et là, t'es KO. Il te met un énorme coup, merde. Tu sens son bras d'un seul coup descendre, il t'attrape, tu te sens décoller du sol, et la seconde d'après, t'es jeté contre le mur à côté. Ça va bousculer, on va faire exactement le même test que tout à l'heure, on va voir sur qui va te jeter. Je prends le même ordre au niveau des personnes, en réalité c'est l'ordre du Discord. 5. Donc 5 c'est Lilith. t'es jeté, t'es propulsé et tu tombes à moitié sur Lilith. T'es totalement sonné, il y a ta tête qui heurte le sol. Tu vas me faire un test de psyché. Toi c'est. Alors toi t'es. Oui toi t'es psyché volonté. Ouais. Si jamais tu le réussis avec une difficulté de 2, si jamais tu le réussis, tu restes consciente avec un point d'ego. Ok, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire, ça peut se faire. Oh non, je suis désolé. Oh là là. Ça fait pas. Oh, c'est pire que ça. Attendez. Combien de têtes? Waouh. Adieu, monde cruel. Je suis désolé. Allez, ciao les amis. D'un seul salut mon pote. Et tu deviens noir autour de tout. Tu passes du blanc total au noir total. T'as été jeté sur le côté, tu vois, il t'a fracassé à moitié tordu en deux à la Bane dans Batman. Au moment où tu t'éclates contre le mur, tu perds totalement connaissance. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez à moitié conscience de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux dégainer et tirer de mon fusil à pompe ou ça va être trop long? Là, okay, je sais, votre vision commence à devenir un peu plus claire, vous commencez à un peu mieux cerner les choses. Ok, vas-y, tu vas me faire un test de arme à projectile. Alors, en l'occurrence, pour le fusil à pompe, ça va être l'inverse d'un malus, je vais t'autoriser un bonus. Parce que là, t'es vraiment... normalement, les armes à projectile au corps à corps, t'as un malus, mais là, je vais te donner un bonus, donc tu peux jeter un dé supplément. Donc tu passes à 6 dés. Okay. Alors, 1, 2, 3, 4 réussites, dont un déclencheur. Eh bien, ça touche. Vous entendez retentir un bruit fracassant, extrêmement puissant. Vous comprenez assez rapidement tout ce qu'il s'agit de l'arme de Jacquard qui vient d'être dégainée. C'est pas du tout le même bruit qu'une mitrailleuse, on a vraiment l'impression qu'il y a eu une explosion, vous avez les oreilles qui commencent à siffler. et vous avez la dispersion des projectiles qui vont totalement balayer la zone. Heureusement d'ailleurs, Efflux n'était plus au contact. Au final, Jacquard a pu profiter de sa fenêtre. Je vais vous demander les autres, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs pendant ce temps-là, pendant que je cherchais les dégâts de l'arme, je les calculais. Il était bien sûr en courant, n'est-ce pas? De quoi? Non, rien. Oui. Ouais. Moi, de mon côté... Jacquard et... Tauric et Mokosh. Moi, de mon côté, je vais essayer de... Donc, tu m'as dit qu'on prenait un petit peu conscience de notre... Mais ouais, vous commencez à redistinguer des silhouettes assez floues qui se distordent. Mais ça marche. Est-ce que Efflux a été balancé au niveau de la porte où il y avait ce fameux truc qui se passait ou pas? Non, il a été jeté de chemin à l'opposé, malheureusement. Ok. Moi, je suis parti dans pendant tout le temps où j'étais un petit peu dans l'invisibilité de... Enfin, je ne voyais plus rien. J'ai essayé de prendre conscience de mon environnement, mais plus par Louis. Et du coup, comme j'étais proche du mur, alors j'ai aucune conscience de là où j'étais quand il y avait ce fameux morse. Est-ce que j'étais proche de la porte ou pas ou... Vous étiez proche de la porte d'entrée, vous aviez une salle un peu rectangulaire devant vous. Ouais. Qui elle-même était jonchée de plusieurs ouvertures donnant sur des cellules, visiblement. Donc qui était à l'opposé de vous, et c'est de là que l'une d'entre elles, en tout cas, faisait valoir de la lumière. Ok, parce que moi, en fait, ce que je veux faire, c'est m'éloigner le plus possible de là où ça part en sucette. Et donc, en gros, si ça implique de partir à l'opposé, du coup, finalement, parce que tout le monde s'est rapproché de nous, finalement, il nous a foncé dessus. Donc moi, quand je me suis couché au sol et mis près du mur, je veux aller à l'opposé. Donc finalement, sans le savoir, me rapprocher de cette fameuse porte y a... Voilà, et savoir, est-ce que... À un moment donné, en me rapprochant, si j'y arrive, est-ce que j'entends ça ou pas? Alors, est-ce que tu entends quoi? L'espèce de toc-toc, là, elle a fait un espèce de morse, c'est en quoi qu'elle l'a fait? Oui, c'était en lunant, c'était lumineux, c'était un signal lumineux. Ah, c'était lumineux, d'accord, ok, bon. De toute façon, avec le bruit des combats, les bruits de tirs, vous avez les oreilles qui s'y, vous ne seriez pas capable d'entendre un toc-toc. Ouais, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller le plus loin possible de là où ça se tape, pour m'éloigner du okay, danger. Et si par le plus grand des hasards, je viens entendre quelque chose qui pourrait j'ai tout oui. Ok, d'accord, très bien. Tu vas me faire un test de perception dans ce cas-là, d'instinct perception. Mokosh, de ton côté, tu m'as dit? Moi, de mon côté, je pense que je vais quitter ma posture défensive, vu qu'il n'avance plus vers nous, a priori, et je vais lui foncer dedans avec mon épée droit devant. Ok, d'accord, très bien. J'ai fait 3 succès, dont 2 déclencheurs. Ok. De ton côté, Mokosh, du coup, tu vas me faire un test de body melee, hein, le classique. Pendant ce temps-là, j'ai calculé les dégâts. Les dégâts du fusil de chasse, le fusil à pompe, hein, du coup, de Jacquard, sont de 10. Auquel on ajoute un dégât, puisque tu as fait un déclencheur, donc tu l'as plutôt bien orienté. Vous avez donc la dispersion des balles qui ont balayé la zone. Et il s'est donc pris 11 moins 2, donc 9 dégâts. T'as rien vu encore, tout lumineux, etc. Mais là, tu doutes que malgré de l'armure, la moindre interstice a probablement été balayée. La dispersion du fusil, tu sais qu'il saigne quoi qu'il arrive. Et si ça saigne, c'est bien. Ok, 3 réussites de ton côté, Mokosh, ça touche. Ouais. Ça touche. J'aurais dû garder mes petits mémos quand j'avais fait les résumés des dégâts de vos armes. Est-ce qu'on avait noté les dégâts? Non, justement, on n'avait pas noté les dégâts de l'arme Anabaptiste. Du coup, je vais te la redonner. Oh, il était costaud quand même. Hein, son ouais, l'espadon anabaptiste de souvenir, il fait très mal. Je l'ai juste ici. Il fait 8 plus force divisé par 3 dégâts. Donc, force divisé par 3. Force, c'est le truc que j'ai le plus à fond. C'est ça, exactement. Je crois que c'est pour cette raison, d'ailleurs. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 divisé par 3, on va dire 3. Plus 8, ça fait 11. T'as fait combien de déclencheurs? Aucun. Ok. Tu lui mets quand même une sacrée baffe. Tu vois que t'arrives avec ton espadon enflammé, en plus qui plus est. Et tu commences à lui donner un énorme coup. Tu le balayes totalement. Tu vois, tu pénètres totalement l'armure helvétique qui est pourtant réputée pour être capable d'encaisser des sacrés trucs. T'arrives au niveau en fait de la jonction entre l'épaule, le bras et la poitrine à totalement pénétrer l'armure et tu sens que tu lui fracasses le bras. Tu ne l'entends même pas hurler, mais tu doutes qu'il a dû serrer les dents très très fort. De ton côté, Torik, tu n'entends rien de particulier sur le côté, mais tu remarques que tu arrives à repérer Excel dans l'arrière de la pièce distinctement, en train de pointer son arme sur Jakar. Et moi, je suis à quelle distance de lui à peu près? À quelques mètres. Je vais. Allez, à toi de sauter! À toi de sauter! En gros, c'est ton si tour. Je profite de la situation où j'espère qu'il ne m'a pas forcément remarqué parce que j'étais au sol pour du coup lui foncer dessus quoi et lui faire une attaque. Au moins pour essayer ne serait-ce que de désarmer désarmer dans un premier temps. Ok, très bien, tu vas me faire un test dans ce cas-là de body brawl, donc tu as 4D opposé à 2 qui est la défense passive. Bah écoute, il me reste combien de points d'ego moi? Toi il te reste quelques-uns il me semble, toi il t'en reste 9. Mais j'en utilisais 2. 2? Ouais. Très bien. Je remarque donc que Jakar ne vaut pas 3 points d'ego. Je rigole. On est loin de la fin, donc il faut quand même que je... Ça me fait 3 succès. 3 succès? Ouais. Ok, très bien. Tu te précipites dessus, tu vois que tu le bouscules totalement, t'as pas le temps vraiment de porter un coup, tenter de désarmer, juste tu le désorientes. Le coup part. Cette fois-ci, on va re-roll un dice, sauf que ça ne pourra toucher que Jakar ou Mokosh. On va voir si ça passe. Ou Baptiste. Bah lui aussi, il est à côté quand même. Ouais, on va voir. 2. Malheureusement, il est vraiment très très puissant et très précis. Au moment où tu commences à le bousculer, dans son espèce de semi-chute, il arrive, il a le temps de réorienter son arme sur Mokosh. Et il tente un tir malgré tout. Ah, on va voir si ça passe, parce qu'il va quand même avoir un malus. Mais bon, pour rappel, Excel, autant il en paye pas mine comme ça, autant viser des cibles, il connaît, surtout quand elles sont aussi peu. Malgré tout, et je vous jure que c'est vrai, je viens actuellement de jeter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Normalement, il en a 10, j'en ai retiré 2 puisque tu l'avais bousculé. Je n'ai fait qu'une réussite. Et j'ai fait 2 échecs critiques. Ouais! Statistiquement, c'est assez improbable. C'est comme si j'avais perdu 7 fois pile ou face. What? Insane. Ouais. La balle part totalement. Et écoute, vas-y, à ce niveau-là, 2 échecs critiques, Baptiste la reprend, hein, écoute. Hey on en met une deuxième. C'est vraiment un très bon allié, ce type. Hein. Ouais. On aurait dû le recruter. Ce que tu sais pas, c'est qu'en réalité, il est avec nous, mais... À ce moment-là, vous entendez un grand silence, presque, mais il dure même pas une seconde. Les autres tombent au sol à côté, et Baptiste, cette fois-ci, il comprend totalement ce qui vient de se passer. Son pote derrière lui vient de lui mettre une balle. Il avait déjà eu un doute, il vient de se faire défoncer de tous les côtés. Il chope, il vient notamment de se prendre... Il est au corps à corps avec Mokosh, il commence à prendre feu, même si ça n'a pas du tout l'air de l'inquiéter. Il a tout à fait l'air d'être dans son élément, d'ailleurs. Il lâche son fusil d'assaut l'espace d'une seconde. Et Mokosh, il va tenter de te planter avec son couteau de combat. Ah, il veut jouer comme ça? Ouais. Je vais regarder parce que là, je crois quand même qu'il est en trauma. Je crois qu'il a des malus. Un peu? Ce serait quand même dommage. il a pris cher. Oh. Quand même. J'ai pris que un cinquième de mes dégâts. Je ne suis qu'à 15% de ma puissance. Donc en effet, il va avoir un malus. Malheureusement, ça passe quand même. Il passe aux défenses passives de Mokosh. Il dégaine son couteau. Et d'un seul coup, Mokosh, tu sens une intense douleur au niveau du ventre. Et tu sens la lame remonter de son bras puissant jusque quasiment au niveau du thorax. Il est littéralement en train de t'éventrer au milieu de la pièce. Il venait juste de revivre et il est déjà en train de la tuer. Putain. T'as de la chance parce qu'il y a régularité. Il aurait presque pu en mettre un deuxième. Il a pas fait assez de déclencheur. Tu vas quand même subir 7 dégâts. J'ai envie. Ouais, t'es en vie, t'es trop proche de la mort pour y retourner rapidement, visiblement. Mais malgré tout, on va pas se mentir, là, t'es vraiment pas bien. Tu commences et tu sens... Le coup a pas l'air d'être extrêmement profond, puisqu'il a l'air d'avoir trop visé vers le haut, peut-être, plutôt que profondément avant de remonter. Malgré tout, tu sens ton sang commencer à se déverser. Peut-être tes tripes, t'en sais rien. Tu commences à légèrement t'écrouler aussi. Tu sens que là, tu fais bien, sous un coup comme ça. Tu peux pas t'en empêcher. Ensuite, dans sa fureur absolue, Baptiste se retourne totalement et balaye la zone de son fusil d'assaut, emportant Torik ainsi que Excel dans l'opération. Putain, merde! T'inquiète. J'ai déjà pris des balles du fil, là! Ça touche. Les tirs commencent à balayer la zone. Toi, Torik, t'es au sol, t'as pas du tout le temps de tenter d'esquiver ni quoi que ce soit. De toute façon, t'as déjà agi, vous êtes dans un couloir, on n'est pas sur un grand combat en terrain dégagé, on peut anticiper les actions ennemies, etc. Là, tout se fait dans le sang et dans les tripes. Une rafale de balles, tu pensais pas avoir tiré. D'un seul coup, tu le vois se retourner vers vous. Il a l'air de plus rien en avoir à foutre. Son pote lui a tiré dessus. C'est plus son pote. Visiblement, de son, il n'a jamais rien eu quelque chose à faire. Au passage, il peut tenter de t'en mettre une également. Il commence à vous balayer de sa mitrailleuse légère. Dégâts 11. Et toi, il me semble qu'il te reste 10 points de vie. Non, il t'en reste 12. C'est pas scripté. Il y a vraiment écrit 11 dans le livre. Torik, tu te fais mais défoncer, tu sonnes rafale de balai, pareil, d'un seul coup tout devient noir pour toi. T'es plus là, okay. Je te rajoute les 4. Puis les 4 blessures, puis les 7 déclencheurs. Non pardon, du coup ça fait 12. Et les 7 traumatismes. Tu t'effondres totalement. Excel prend 11 points de vie aussi, il a combien de points de vie lui? Ok. Excel, lui, survit aussi à l'opération, mais il est vraiment pas bien. Pareil, il se prend une rafale de balles dans la gueule. Son visage se déforme à moitié. Toi, Torik, t'auras juste eu légèrement l'avantage, on va dire, de pouvoir te planquer derrière lui pour diminuer certains impacts. Mais tu sens les balles traverser son corps et traverser le tien par la suite. Tu sens les balles traverser... bras, jambes, flancs, tout ce qu'il faut. Tu sens ton sang commencer à se déverser dans la pièce. Jacquard, Mokosh, qu'est-ce que vous faites? Lequel des deux est le plus de moins? Baptiste. Via pompe. Ok. Cette fois-ci, par contre, Mokosh est totalement à portée. Donc si jamais tu tires, tu risques de blesser Mokosh. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes d'un tir un peu plus précis? Elle est en train de tomber, donc tu peux remonter le fusil, pardon. Est-ce que je peux pas mettre des points d'égo? Ouais, tu peux mettre des points d'égo et tenter de monter J'en ai que deux ou j'en ai trois, du coup? Attends, j'en ai... Toi, il t'en reste... Attends, ah non, je sais pas, je suis pas la même ding du tout. Il reste 5. 5. Je mets 2 points d'ego. Ok, très bien. Je te laisse faire ton tir. Donc ça me fait en tout... Ça me fait... Là, c'est du... Tac, tac, tac, en anglais, le temps que ça zoom. Projectile... Agility, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, 6 plus 2. Ok, donc ça fait 8 dés. Parfait. Okay. Plus 1 parce que t'es... Ah bon? Okay. Ah mais du coup... Non mais vas-y, vas-y, je vais juste plutôt augmenter la difficulté du test plutôt que de t'imposer un malus 2D. Donc vas-y, je te laisse jeter. Donc j'ai bien 9 dés en tout? Ouais, c'est ça. Okay. Et il faut te faire du coup 3 réussites au lieu de 2. Ok. Donc 3, 4, 5 réussites, donc 2 déclencheurs. Tu te retrouves voilà. À ce moment-là, le temps est un peu ralenti autour de toi. Tu vois qu'il te porte le dos, et au moment où le corps imposant de l'helvétique, qui a beaucoup trop résisté à vos coups précédents à cause de son armure, arrive à ton niveau, t'as ton canon littéralement collé à sa tête. La seconde d'après, il y a sa tête qui explose. Du sang commence mais à asperger l'intégralité des murs, du sol au plafond totalement. Oh zut. Tu vois son corps tomber à genoux. Puis s'étaler au niveau du sol. Et c'est à ce moment-là que tu te prends une balle. Tu vois la silhouette de Excel derrière, à moitié en train de cracher du sang. Tu sens la balle traverser, elle arrive derrière, et tu tombes complètement au niveau du sol. Mokosh, t'es un peu en train d'essayer de reprendre ton souffle. Au moment où Excel titube jusqu'à toi en te collant son gun au niveau de la tête. Malheureusement, il n'y a pas grand monde assez fort pour l'empêcher de te mettre cette balle, surtout quelqu'un comme lui. C'est pas Lilith qui pourrait faire quoi que ce soit. Mais Lilith, pendant ce combat, a fait une action secrète que je n'ai pas divulguée. Pour le spectacle, c'est qu'au moment où Efflux est tombé au niveau du sol, elle a retiré son masque et elle lui a enfilé des bourgeons de brûlure afin de lui faire un petit choc. Efflux, tu te retrouves actuellement debout. Tu as eu le temps de remettre ton masque si tu le souhaites. Tout le monde dans la pièce t'a vu t'éclater au tout début. Tu te trouves juste derrière Excel. Je te laisse globalement faire l'action que tu veux. Mettons que ça fait une vingtaine de secondes que t'as réussi à te remettre. Tu t'étais totalement fait éclater. Et t'as senti, tu sais, un peu comme les films où ils mettent du poivre dans les gens qui dorment, tu vois, au niveau du nez, tu vois. Tu t'es réveillé d'un coup, mais tu t'es fait doper à la brûlure. T'es totalement en overdose, là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas vraiment en fait les effets de la brûlure. Je suis pas une question. Grande consommatrice. Ouais, on va définir quelle brûlure elle t'a donné. Je pense honnêtement qu'elle t'a donné un petit cocktail un peu au hasard. Oui, je pense aussi qu'elle a. sous le coup, elle a pas vraiment eu, elle a pas vraiment eu le temps de vraiment se poser la question. Alors, nous avons... C'est ça. Nous avons le Bion, la Gloire, l'Unité, la Muse, l'Argus et la Discordia. Et bah vas-y, fais-moi... Il y en a 6, donc ça colle bien avec un D6. Roll-moi 2D6 et donne-moi les résultats. Non, 3D6. 5, 1 et 5. 5, 1 et 5. Double dose. Elle t'a donc donné deux fois de l'Argus. Oh, l'Argus, elle est cool. La ruse, c'est tout. Probablement la plus intéressante, c'est celle qui vient d'Ibrispani. Au moment où tu t'es réveillé, t'as eu comme un flash dans ta tête. Pas celui des lumières de ton armure qui illumine totalement la pièce, mais le flash des actions futures. T'as vu le canon se poser contre la tête de Baptiste. T'as vu Torix se faire cribler de balles. T'as vu Excel mettre une balle dans le foie de Jacquard. Et t'as vu Excel mettre une balle dans la tête de Mokosh. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu as eu le temps de prévoir ce qui allait se passer. Malheureusement, t'as pas eu la force d'intervenir sur les précédentes actions, mais tu as la force d'intervenir sur celle-ci. Et l'Argus, et le Bion, la première, c'est celle qui vient de Pollen. Et a comme effet... Alors, en réalité, la première, donc, c'est l'Argus. Les effets, c'est que tu ne peux pas être pris par surprise et que tu as des bonus à l'initiative. On l'interprète, nous, de cette manière-là. Et l'autre, c'est une résistance aux maladies, au poison, au froid. Et ça te donne des succès automatiques. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, le Bion, lui, a pour effet plutôt, on va dire, de te renforcer. C'est pas celui qu'on aurait préféré. On aurait préféré de la gloire, par exemple. Ou d'autres. Mais bon, c'est toujours mieux que de l'unité qui, elle, sert à développer le charisme, te rend un peu plus à l'aise, etc. Ce qui, en l'occurrence, là, n'aurait servi à rien. Ok. Il y a aussi la Discordia, elle, qui est la pire, celle-là, vous l'avez toujours pas prise, mais qui a des effets potentiellement très négatifs, notamment le fait de faire baisser définitivement vos stats. Mais bon, elle est très rare, pour des raisons du coup évidentes. Elle aurait pu te filer ça. Ça aurait été incroyable. Vas-y, du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, j'avais pensé à quelque chose, mais je me dis qu'il y a... je crois qu'il y a trop de chances que je rate... Du coup, je vais juste... Alors, attends. Normalement, j'ai une arme, hein, moi. Même si je me bats peu, on est d'accord. J'ai oui, une arme, il me semble que t'as... Alors, qu'est-ce que c'était que ton arme? Je me rappelle. Je sais plus. Bonne question. On l'avait pas écrit sur les nouvelles fiches, il me semble pas. À ce moment-là, c'était récent dans nos têtes. Après, honnêtement, une arme, t'as pu en ramasser une. Là, il y a des armes qui ont volé dans tous les sens. T'as un couteau de combat à ton niveau. T'as une mitrailleuse, t'as... Et il a pas d'armure lui, hein. C'est pas comme Baptiste. Non, lui il a pas d'armure lui. Il a une petite tenue en cuir, mais rien. Non, il est pris par surprise totalement. Ouais. Non, je veux juste m'assurer que je choque pas ça, je veux pas la mort de Mokosh sur ma conscience. Du coup, bon, au pire, ça serait que la deuxième fois. Mais du coup, moi ce que je vais faire, c'est effectivement ramasser le gros couteau de chasse. Et je pense que. Je vais utiliser toutes les forces que j'ai données par la brûlure, tout ça, pour genre arriver discrètement et je veux juste l'égorger en fait. Ok. Mokosh, à ce moment-là, tu vois une main sortie de nulle part se placer sous sa gorge. Et tu le vois. Tu te fais asperger de sang la seconde d'après. Et malgré ses réflexes surhumains cette fois. Il n'aura pas l'occasion de décoller sa dernière balle. Excel a la tête à moitié tranchée en deux. Flux a donné toute sa puissance totalement boostée. Et d'ailleurs, je propose qu'à ce moment-là, malgré tout, sous les coups et la pression que t'as pris, surtout que t'étais encore un peu faiblarde, tu tombes également un peu au niveau du sol. Alors, tu t'évanouis pas, mais juste tu t'écroules deux secondes. Et tu vois juste au pied des flux son masque posé au niveau du sol lorsque Lilith lui a enlevé. T'as pas eu le temps de voir son visage parce que t'avais autre chose à regarder. Mais je trouve que ça donne un sens un peu cool à la scène. C'est parce que du coup, il y a que Lilith et Flux. C'est Lilith qu'on a appris qui savait qui était Flux. Qui sont actuellement, du coup, Flux à moitié à nu, du coup, dans la pièce. Qu'est-ce que vous faites? On est mort. Moi je fais ça. Jacquard, t'arrives un peu à reprendre ton souffle. Tu remarques que t'as pas été blessé autant que ce que tu pensais. Mokosh. Parce que. Attends, j'ai combien de blessures? J'avais pas genre. Toi t'avais d'anciennes blessures. Ouais, j'ai deux points de blessure. Ouais, vous avez été très cher ces derniers temps. Là, vous êtes vraiment en train de tirer sur la corde. Votre espérance de vie, elle en a pris un coup. Hein. Je vais pas vous mentir que là, les organes et tout. Je suis pas mort vraiment là. Non, là ça va. Non, t'es même un de ceux les mieux en point. Hein. Il te reste. Il te reste 7 points de vie. C'est pas mal. Alors attends, on est sur les mêmes stats ou les stats du miroir sont pas. Moi je te vois 10 blessures sur 12, donc toi il te reste 2 points de vie. Et il te reste 5 traumatismes. mettrais 5 traumatismes derrière. Mais t'as dit que ça me retirait 2 points de vie, du coup. Ouais, je les ai appliqués déjà. C'est déjà, ça a déjà été appliqué. Ah, ok, pardon. Pour ça. Ouais, t'inquiète. Ah, ouais. Ok, ok. Mokosh, t'es en train de te vider de ton sang. Ton sang est en train de se répandre sur le sol. Heureusement, ce n'est pas un traumatisme, c'est simplement une blessure. Ce qui veut dire qu'en le prenant en charge, ce qui est actuellement le cas, hein, tu vas t'en sortir. Ce n'est pas aussi clair pour Torik, qui pour la énième fois de sa vie est en train de voir la mort approcher. Heureusement, la seule chose qui t'aura été, favorable, c'est Excel qui s'est fait cribler de balles avant toi. Tu l'as utilisé un peu comme bouclier humain. C'est la seule chose qui te maintient en vie à l'heure actuelle. Ça n'a pas réduit les dégâts, mais on va dire que dans le roleplay des choses, ça a atténué certaines blessures, mais malgré tout, t'es dans un état vraiment critique. Ouais, je dépends un peu des autres, quoi. Totalement, même là, t'es totalement évanoui. Et Flux, toi, tu te sens surboosté comme si on t'avait mis un choc shot d'adrénaline, mais tu sens que d'une seconde à l'autre, tu vas t'écrouler à nouveau. T'as mal partout, à tous les membres. T'as la tête qui bourdonne, t'as des acouphènes énormes, que ce soit les aves commencer à te couler. Tu ramasses, j'imagine, rapidement ton masque. Et tout à fait. Alors, je ramasse mon masque, je le remets. Et j'ai une petite question, juste comme ça. C'est où déjà qu'on est géographiquement, là, dans Toulon? Vous êtes dans les terres, putain. Ok. Sachant que de souvenir, les mecs qui veulent nous attaquer, ils sont du côté de Ferrailli, c'est ça? La résistance? Des deux côtés. Les autres. Ouais, ils sont des deux côtés. Il y a la résistance, putain, qui sont probablement déjà en train de lancer un assaut. D'accord. À Cour-Argent, puisque tu le réalises, vous commencez à entendre au loin des bruits de détonation. Ok. Non, c'est juste que je me disais, il y avait peut-être un monde dans lequel je faisais un signal de détresse à... de loin, mais en vrai, si on est à côté des... Ouais, vous c'est êtes chaud. Même dans le cœur des terres. Putain. C'est ça. Du coup, vous pouvez vous rendre. Non. je pense que ça vaut pas. Non, bah du coup, moi, je vais faire quelque chose que je sais à peu près faire, c'est essayer de faire le minimum vital pour Torik pour au moins... Ok, vas-y. Fais-moi un test de médecine avec une difficulté de 5. Ok. Mince, j'ai plus la... Ok. Ah, difficulté de 5 quand même. Ouais. J'ai pas assez en plus, je crois. Attends, j'ai combien en médecine? Même pas, difficulté de 7, pardon. Mais même juste pour des premiers soins pour... Torik, bah malheureusement, c'est pas des premiers soins dont il a besoin, c'est ça le souci. C'est... La difficulté, elle est égale au nombre de traumatismes. Donc, ça serait Jacquard, ça serait 1, ça serait toi, ce serait 2, ce serait Mokosh, ce serait 1. Mais là, Torik, il s'est pris des balles. Mirage. Est-ce qu'il y a de savoir en médecine, Mirage? En volant, là. Qu'est-ce qu'il y a, Mokosh? Ça aide ou pas de voler l'équipement de Torik? Vous pouvez aider, en effet, vous pouvez vous équiper de l'équipement de Torik. Je crois, je sais plus les effets, je crois que ça donne... Parce que Torik, il en bénéficie plus, mais c'est quand t'es trop nul, ça donne un bonus. Ok, je vais te donner un coup de dilacérateur dans cette plaie, Torik, je suis sûr que ça va aller mieux. Je vais vous autoriser un bonus de 2D avec l'équipement de Torik. J'avais un bouquin de médecine avec moi, putain de temps. Mais oui, mais Mirage, peut-être qu'elle a assez des trucs. Mais évidemment que quelqu'un, je sais pas si quelqu'un est apte à aller lui ouvrir, mais je pense que ça serait important. Et en vrai, même avec le bonus, ça passe pas à 7, c'est beaucoup. Vas-y, prohibé, j'essaye d'aller libérer Mirage. Tu ouvres la porte de la geôle juste à côté. Il y a quand même un déclencheur, si jamais ça peut aider un tout petit peu. La porte s'ouvre devant toi. Et tu vois Mirage assise au niveau du sol, en train de te regarder, d'un air terrifié et neutre, et relativement inexpressif quant au fait que sa tête se trouve actuellement à 1 mètre posée à côté de son corps. Il y a juste son armure qui continue de briller. Fuck. Comme un signal qui a été activé putain. Et qui continuera jusqu'à ce qu'il se trouve à court de batterie. Ah bah si j'avais su, j'aurais pris mon temps. À côté, au-dessus du corps de Mirage, qui semble, c'était pas réellement une geôle, hein. C'est plus, tu vois, une espèce de petit camp, tu vois, un baraquement, tu vois des tas de munitions, des bouteilles d'alcool, de la brûlure entreposée. Mais tu vois également une carte de Toulon sur laquelle sont disposées, sur laquelle ont été tracées de nombreuses croix rouges. Tracées aux fautes, probablement. Qui indique, mais absolument partout, criblé, la carte est criblée de ces croix-là. Ok. Là, moi, je vais essayer de dire à ceux qui sont debout, du coup, la pie dans l'autre cellule. Elle peut peut-être faire quelque chose. Ok, bah, bon, je vais aller voir l'autre cellule, on va aller voir la pie. Tu arrives dans l'autre cellule et tu tombes sur Albatre, piégé. Totalement. Vêtu de haillons, le corps recouvert de bleu. Tu vois qu'elle est tremblotante. Elle a entendu tous les tirs, tous les bruits. Tu sens qu'elle a plus l'air d'une prisonnière qu'autre chose. Franchement, c'est à la limite de si elle n'était pas dans une cage au moment où tu l'as trouvée. Tu vois qu'elle te regarde avec un regard apitoyant et sans dire un mot. T'as l'impression qu'elle se demande si tu vas la tuer elle aussi. Dans un mouvement qui n'est pas brusque, ça, je prends bien le temps de faire un mouvement très, très ample, très lent, pour pas que ça paraisse agressif. Et je lui ai dit tout simplement, tout va bien, tout est terminé. Tu vois qu'elle commence à bredouiller avec ses lèvres qui commencent à trembler. Et elle te dit, ces factories, il faut les m'enlever. Tu vois son corps recouvert de cicatrices. Où sont les autres ? Tu vois qu'elle baisse un peu les yeux, son regard se perd un peu derrière toi, elle voit les corps au sol. Tu sais faire quelque chose, camarade. Tu sais faire quelque chose, rends-toi utile. Tu calmes. Faut se dépêcher, on a que des gens qui meurent, dont moi. Je sais, on va s'en occuper, mais deux secondes quand même. Oui, viens toute seule, Mokosh, s'il te plaît, si t'as les forces. Je me relève, je pense même qu'en fait j'enlève mon manteau de fureur et qu'en fait je me l'attache autour de la taille pour m'empêcher de me vider. Mmh. Et je vais même. Ok, tu commences à t'approcher. Mmh. Ok, je lui montre du coup le cadavre décapité de Mirage. Mmh. Ok, bon. Y a un plan aussi là-bas, je lui montre. Écoute, j'ai bien l'impression que... Moi, c'est mon idée, mais... Soit on s'enfuit, soit il faut réussir à nous allier à la résistance. Et je pense qu'on peut leur faire croire qu'on a trahi le protectorat. Mais du coup, comme ça, on sauverait à la fois les anabaptistes et les médecins, les hospitaliers, excusez-moi, les seuls qui pourraient se faire un peu enfler dans le marché, c'est les chroniqueurs et les juges. Mais de toute façon, moi, ouais, écoute, moi, ouais, les juges, je n'en ai que faire. Donc, je te propose, on essaye d'aller plus vite au commandement de la résistance avec la tête de Mirage, tout ça. Et on se fait passer pour. Voilà, on dit qu'on a situé le juge noir, tout ça. Ça me va. Et... Je te suis à 100%. Allez. On n'a pas le choix. Voilà. Et est-ce que... Voilà, moi je te le dis honnêtement, moi je ne veux plus être un juge. Est-ce que tu penses que si jamais je pourrais devenir un asset, par exemple les portes de nos cathédrales sont toujours ouvertes. Tr- Très bien. Ah, bah, eh bien, ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se déplacer au camp de la résistance et de se faire soigner là-bas, ou on essaie de faire des premiers soins ici? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on peut les déplacer. Lilith, reste avec les autres. Reste avec Efflux et... Tu vois qu'elle acquiesce. Et on reviendra avec des gens. Ou des gens viendront. Et si le reste des oiseaux de feu arrive? Arrivez-vous dans le tunnel et bloquez-le. Ouais. Vous voyez, Albatre, à ce moment-là, s'interpose et dit, si jamais vous... Si vous voulez vous rendre à courant argent, vous pouvez emprunter le tunnel tout au fond. C'est... Il passe sous le port. Il ressort au milieu des ruelles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne à court argent et on essaye de hisser le drapeau blanc là-bas pour avoir des parler? Ou est-ce qu'on va directement au QG de la résistance par... Comment on fait? Du peu qu'on a vu de Zoé, je pense qu'elle est du genre à diriger les troupes sur place. Ok. Je pense qu'elle n'est pas, bon. Pas au QG. Est-ce qu'on met Flux dans la confidence ou pas? Après tout, peut-être qu'il est lucide. Comprendre que son culte ne peut pas gagner, ne peut pas. Enfin, à gagner justement de nous soutenir, de soutenir dans ce qu'il y a des forces du protectorat ici. Je pense qu'on n'est pas en état de se faire des cachotteries. Ok. Efflux, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je viens. Après avoir sorti la pie de sa géole, la laisser avec Lilith et Toric. Et je rejoins du coup les deux autres. Okay. Ouais. Voilà ce qu'il y a alors de Mirage. Mm-hmm. Donc voilà le plan. On va aller apporter sa tête à la résistance, à faire croire qu'on a trahi les. Voilà, et que on veut nos forces qui se sont ralliées, enfin restantes, à savoir tes mendiants de Saint-Chenil. Les Spitaliers et surtout les Anabaptistes veulent rallier la résistance. Voilà, comme ça on aura une place à leur côté dans la direction de la ville. Et voilà. De toute façon, le plan est un échec et ce n'est pas de mon ressort. Donc, oui, c'est littéralement la faute du Mirage et de. Comment s'appelle-t-il Facteur. Qui a visiblement été un trait, donc... Et Mirage était une incompétente. Je suis pas d'accord sur ce point, mais c'est pas l'important, là, tout de suite. C'est pas le moment de faire... Effectivement, du coup... militaire de l'opération. Du coup, bon. Je sais pas quelles conséquences ça aura, mais enfin, dans les médias, le mieux est quand même de sauver les meubles, donc... Okay. Rentrons tous à court argent, y compris Toric, Lilith et Lapis, si elle veut nous suivre. Objectif là-bas, essayer de hisser le drapeau blanc pour étendre des négociations... Avec Zoé. Ah oui, et puis il faut ramener la tête de Mirage. Donc on peut déplacer tout le monde. On a la capacité de déplacer Toric.